Bonjour à tous et à toutes, enchanté, je m'appelle Xavier, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le podcast de la connaissance, de la réflexion sur notre société actuelle ou encore des souvenirs de jeunesse. Mais avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une petite musique que tout le monde connaît. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit. Je pense que tout le monde aura bien reconnu Tino Rossi, qui en 1946 avait chanté « Petit Papa Noël ». Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ce n'est pas lui qui a créé, à proprement parler, cette chanson. Il y a eu plusieurs chanteurs auparavant qui l'ont fait. Mais c'est lui qui a mis vraiment ce chant en exergue et qui a permis à cette chanson d'avoir vraiment une popularité en France et à travers le monde. Ce qu'il faut juste savoir, ce que très peu de personnes savent, c'est que simplement cette chanson-là n'est pas arrivée par hasard. Au départ, il y a eu en 1946 un film qui s'appelle Destin, réalisé par Richard Potier. Et en fait, en consécration de ce film, Richard Potier avait demandé à Tino Rossi de pouvoir trouver une mélodie, un rythme spécial qui parle vraiment de l'enfance et de la fête et des souvenirs en fait. Et justement, Tino Rossi, en faisant pas mal de recherches, a justement retrouvé cette chanson-là, Petit Papa Noël, a réussi à réorchestrer, à remettre cela entièrement en avant. Et grâce à cela, et encore de nos jours, en 2022, il y a toujours cette énorme popularité. Mais simplement, le podcast ne va pas parler de Tino Rossi ou du film Destin, ça va parler de Noël, des fêtes de Noël et de l'histoire de Noël et du Père Noël. Et le podcast commence maintenant. On a tous, quelque part, au fond de nous, une petite période ou un petit côté nostalgique qui s'éveille en nous. Et justement, la particularité des fêtes de Noël et du Père Noël, d'une manière globale, c'est que ces deux entités nous ramènent à quelque chose de l'enfance qui nous travaille, quelque chose d'assez profond qui fait que même maintenant, adulte, lorsque l'on traverse ces périodes-là, même si on a toujours des périodes qui sont compliquées, cela peut être financier, psychologique et autres, aux périodes de Noël, même des fois à partir de la mi-décembre, il y a quand même un petit peu de bonheur qui commence à ressurgir. Même si les fêtes ne sont pas toujours faciles, le fait de ces périodes-là, le fait des périodes des fêtes, le fait des retrouvailles, fait quelque chose que cela nous amène intérieurement, personnellement, quelque chose de spécial qui fait que pendant quelques jours au moins, on se sent bien. Et justement, ce podcast va essayer de nous ramener un petit peu sur des périodes de rêves et de souvenirs. Il n'y aura pas que du bonheur en fait, parce que l'histoire de Noël et du Père Noël, tout au long de l'histoire, n'a pas été que positive. Il y a eu beaucoup de drames autour, il y a eu des représentations qui ont été faites. Le Père Noël a été brûlé sur la place publique. Il y a beaucoup d'entités et beaucoup de choses qui font que, même tout au long de l'histoire, il y a un côté positif et un côté négatif à Noël. Et justement, nous allons voir un petit peu tout cela. Nous allons voir un petit peu comment commence le principe des fêtes de Noël. Qui fut l'instigateur de ces fêtes ? Qu'est-ce que cette fête symbolise ? En quoi le Père Noël est-il aussi important comme représentation pour les fêtes ? Comment est-ce qu'elle était célébrée ? Au Moyen-Âge ? À la Renaissance ? Durant le siècle des Lumières ? Et après sur l'époque moderne ? Et justement, à une époque, comme je l'avais dit précédemment, il fut brûlé en place publique. Mais pourquoi et par qui ? Et justement, nous allons voir tout cela par le biais de ce podcast. Nous allons aussi aborder un petit peu, sur la fin de ce podcast, les différentes représentations et les différentes interprétations qu'il a pu y avoir aujourd'hui, ou alors dans l'époque moderne, que ce soit symboliquement ou alors artistiquement, que ce soit musicalement, au théâtre, dans les films et autres. Et avant d'aller plus loin, et avant de commencer directement ce podcast, on va se mettre un petit thème musical spécial Noël. Venons d'écouter les Celtic Woman qui, durant leur concert, ont chanté la version anglaise de Minuit Chrétien qui fut chantée par Tino Rossi à l'origine et cette chanson s'appelle Oh Holy Night. En fait, le terme de Noël viendrait de la Gaule ancienne. Au temps des Gaulois, Noël se disait Natalis, c'est le latin. Pourtant, on ne sait pas trop s'il y avait vraiment de traces à proprement parler d'une langue française latine. On sait que certains chercheurs ont trouvé des gravures et des traces pour quelques mots latins, quelques mots celtes, mais on n'est pas sûr à 100%. Tout ce que l'on sait, c'est que le mot natalis, en latin, signifie le jour de la naissance et symboliserait le jour de la naissance du Christ, de Dieu. Le mot Noël fut créé aussi à ce moment-là, fut mis en place à ce moment-là, durant le temps des Gaulois. Noël est composé de deux mots gaulois. Noco, qui veut dire nouveau, et El, qui veut dire soleil. Et cela dépeindrait en fait la naissance du Christ par le biais du dernier jour du solstice d'hiver. Cela fut fêté par les Gaulois et symbolisait la fin de l'année. Le site de mondefantasy.com nous dépeint que, en fait, cette période de fête était vraiment réservé pour le lien familial. C'est vraiment à cette époque-là que les liens familiaux ont été mis en place, vraiment dans un but de pouvoir rapprocher les femmes, des guerriers, des enfants. On ne définissait pas vraiment cette fête par de l'offrande de cadeaux pour tout le monde, mais c'était plus une symbolique religieuse, que tout le monde soit vraiment réuni pour la croyance en Dieu. À l'origine, la fête de Noël fut célébrée, elle fut commémorée et mise en place en remplacement d'anciennes festivités païennes. La période de l'Avent se concrétisait par une période de jeûne, qui commençait le 11 novembre et se terminait 8 jours avant la célébration de Noël. Les maisons, contrairement à nos jours, étaient simplement décorées de verdure, de houx, de branchages. Et les personnes chantaient, s'exclamaient, jouissaient et jouaient. Il y avait vraiment une période de partage à proprement parler entre les différentes communautés, les différentes familles et les différents amis. On est loin de la périodicité de l'Avent. Contrairement à ce qui se passe avant, car à cette époque, la religion et les croyances faisaient vraiment partie intégrante de leur société. Une société gauloise ne pouvait être mise en place que par les croyances, que par la religion, et que par la symbolique à travers Dieu. Les personnes qui ne croyaient pas n'étaient pas bien vues. Elles étaient même des fois exclues. C'est pour ça que des familles ou des communautés ou les personnes de cette société-là étaient obligées de croire pour pouvoir vivre. En parallèle des chants et des amusements et des jeux, une des traditions de Noël à l'époque des Gaulois, c'était les veillées. Ce furent les histoires des contes et des histoires sur la tradition gauloise. La tradition gauloise, donc, par rapport à la croyance en Dieu. Le chant et les légendes de Noël faisaient partie intégrante de ces contes. Et justement, lorsque des familles ou des communautés voulaient justement essayer de symboliser Noël, il y avait les repas, mais il y avait surtout les veillées. Comme à cette époque-là, contrairement à aujourd'hui, les communautés et les familles étaient très pauvres, les repas étaient vraiment très très simples, voire très très peu. Et c'est pour cela que ces sociétés se basaient plus sur l'échange et le partage au moyen des chants et des jeux. Nous allons essayer de trouver quelques contes de Noël pour vous donner un exemple. Au Moyen-Âge, l'Alsace et la Lorraine étaient peuplées de ducs, de comtes et de barons. En ces temps lointains, vivait une petite fille très pauvre. Mais elle chantait comme un oiseau du matin jusqu'au soir. Or, la nuit de Noël, ses voisins, qui l'aimaient beaucoup, lui offrirent un petit sapin trouvé dans les forêts des Vosges. Tout heureuse, la petite fille décida aussitôt de planter ce sapin dans sa petite cour, malgré le grand froid, malgré la neige. Comment un sapin pourrait-il pousser entre les pavés et dans si peu de terre? Oh, mais il poussa à une vitesse prodigieuse jusqu'au printemps, où des myriades d'oiseaux vinrent y faire leur nid. Et à l'automne, on eut la surprise de voir pousser sur les branches majestueuses du sapin des centaines de petites clochettes d'argent, des clochettes qui jouaient la plus douce des musiques. C'était un sapin magique. La petite fille était au comble du bonheur. Une année s'écoula. C'était à nouveau la veille de Noël. Et Tyconne, un célèbre duc d'Alsace, avait eu vent de cette histoire extraordinaire. Et il ordonna : Garde, allez immédiatement me chercher ce sapin magique. La petite fille a beau pleurer, supplier les gardes. Ils déracinent l'arbre et viennent l'installer dans la salle du château des Tyconne. Tous les ducs, comtes, vicomtes, barons et chevaliers d'Alsace et de Lorraine sont réunis autour d'une grande flambée pour fêter Noël. Et soudain, Tyconne réclame le silence. Il demande solennellement à son épouse de prendre place sous le sapin. Alors, aussitôt, les clochettes d'argent se mettent à jouer une musique triste, mais triste, une musique si triste que tous les convives se mettent à pleurer à chaudes larmes. Seul Tyconne ne pleure pas. Il écume de rage. Oh, garde, sortez immédiatement ce sapin, coupez-le vite en 1000 morceaux et faites-en du bois de chauffage. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais le vent entraîne jusqu'à la porte de la petite fille le dernier rameau qui subsiste du sapin. Sans trop y croire, la petite fille le plante dans sa cour. Et à nouveau, un sapin pousse entre les pavés. Il pousse à une vitesse prodigieuse. Et à nouveau, des centaines de clochettes d'argent poussent sur les branches. Mais elles sont devenues invisibles, des clochettes que seule la petite fille est capable d'entendre. La petite fille vécut très longtemps. À tous les Noëls, les clochettes invisibles jouèrent pour elle, et pour elle seulement, la plus douce des musiques. Elle ne fut plus jamais inquiétée par le duc Tyconne, ni par aucun des maîtres de la terre. Son arbre de Noël vécut aussi longtemps qu'elle, lui prodiguant sa musique comme le plus beau de tous les cadeaux de Noël. Le conte que vous venez d'entendre s'appelle « Le sapin de Noël ». Il a été raconté par une jeune dame qui s'appelle Muriel. C'est sur une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, pour être tout à fait honnête avec vous. Et en fait, cette dame Muriel raconte plusieurs contes de Noël pour la commune de Sarreguemines, dans la Moselle. Vous pouvez trouver assez facilement des vidéos faites par elle. Et maintenant, dans la suite de ce podcast, nous allons aborder Noël, les réveillons et la fête sous l'époque romaine au 5e siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, la tradition de Noël était vraiment basé intégralement sur la nativité du Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque des Romains, les différentes classes sociales étaient vraiment flagrantes. Il y avait vraiment les riches et les pauvres. C'était vraiment ce qui constituait la société de l'époque. Et justement, durant ces périodes de fêtes, durant les périodes de Noël, toutes ces différences sociales étaient stoppées. Dans certaines familles, quand même un petit peu plus traditionnelles, il n'y avait pas ce mélange entre les riches et les pauvres. Mais dans la plupart des temps, il y avait quand même toutes ces différentes classes sociales qui étaient arrêtées et tout le monde pouvait se mélanger en dehors de petits épiphénomènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fêtes étaient vraiment commémorées dans un but d'égalité entre les êtres humains. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était mélangé. De par ce fait, les soirs de fête était vraiment cassé du fait de la différence entre les dominants, les maîtres de maison, et les esclaves. Toutes les barrières étaient tombées. Dans le cas de ces fêtes-là, contrairement à maintenant, les fêtes pouvaient durer plusieurs jours. Au départ, dans le cadre du calendrier julien, cela dura 3 jours. Sous la gouvernance de Auguste, à la fin du 5e siècle, cela passa à 4 jours. Et sous le règne de Caligula, au début du 6e siècle, cela passa à 5 jours. Et finalement, sous le règne de l'empereur Diocletien, à partir du début du 6e siècle, cela dura 1 semaine. D'après les recherches que l'on a trouvées, ces fêtes-là s'appelaient les sagillaires. Ce fut des fêtes durant lesquelles les périodes de festivité duraient entre le 17 décembre et le 24 décembre. La plupart des personnes s'offraient des cadeaux. Ce n'étaient pas du tout des objets ou des jeux comme il peut y avoir maintenant, des choses en plastique, voilà, un petit peu superficielles. À l'époque, cela se définissait plus par un côté artisanal et naturel. On pouvait offrir des fruits, des petites statues, des pots, des objets en terre cuite, des légumes, de la nourriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que même pour la décoration, il n'y avait pas du tout des guirlandes illuminées comme on peut connaître maintenant. C'était pas du tout comme ça. Il n'y avait pas les gros sapins qui pétaient partout. C'était beaucoup plus rudimentaire. Sachant que la lumière à ce moment-là était quand même quelque chose pour les familles qui étaient très très riches, comme il n'y avait pas du tout d'électricité, même les bougies et autres, c'était vraiment réservé pour les familles très très riches. Pour les familles un petit peu plus pauvres, ils pouvaient faire des petits feux, se rassembler autour d'un petit repas, qui n'était pas du tout énorme, mais c'était vraiment symbolique par rapport à la croyance. Les maisons qui furent décorées étaient beaucoup plus basées sur des matières primaires, sur de la verdure, sur des matières forestières, du hou, du gui, des guirlandes, mais pas du tout les guirlandes comme on connaît maintenant. C'était vraiment une branche en bois avec un espèce de feuillage tout autour. C'était beaucoup plus basique. À la place des santons qui étaient posés sur les cheminées, il pouvait y avoir des petites figurines en terre fabriquées par les petits artisans traditionnels. Sachant que c'était une période de fête et de réconciliation, ces mêmes artisans, au lieu de les faire payer à chaque fois, pouvaient très bien les offrir. Parce que c'était vraiment une période de convivialité et de partage. Même s'il y avait dans certaines communautés les classes sociales maîtres-esclaves qui étaient cassées, il y avait quand même dans certaines familles un petit peu plus arriérées pour l'époque, le fait de vouloir garder et de rester entre eux pour les familles riches, contrairement aux autres familles pauvres. Dans le cadre des familles riches, les cadeaux, ça pouvait être de l'argent, des bijoux, des espèces de porte-bonheur, de la matière un petit peu dorée. Vraiment des choses qui pouvaient montrer la valeur de la richesse du maître de la maison, de la maîtresse de maison et de la maison à proprement parler. Plus les familles étaient aisées, plus les empereurs étaient importants. C'était vraiment l'image qui prédominait. Et malheureusement, il y avait aussi, pour montrer qu'une famille était riche, le nombre d'esclaves qu'il pouvait y avoir. Dans les familles qui étaient les plus pauvres, ce qui pouvait être offert, c'était vraiment des petits objets en terre cuite, des fruits, des légumes, des petits repas, des animaux, des choses qui étaient toutes simples. Pas du tout des animaux que l'on ne pouvait acheter comme on fait maintenant. Soit des animaux que l'on trouvait pour pouvoir les adopter. On pouvait aussi offrir des objets artisanaux, des objets qui étaient offerts. Même des fois, simplement un petit peu de chaleur, ça pouvait largement suffire. Et justement, c'est ce qui faisait le sel de cette époque-là. C'est que même si, malheureusement, il pouvait y avoir des différences entre les différentes couches sociales, ce n'était pas la majorité, vu que la plupart du temps, dans la plupart des villages, contrairement aux grandes villes, à ce moment-là, dans ces milieux-là, toutes les barrières sociales furent cassées pour encore plus profiter des festivités simplement. Et maintenant, dans la prochaine partie, nous allons aborder les fêtes de Noël à partir de la Renaissance. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous faire une petite pause musicale. Let it snow, let it snow. Et voilà, nous venons donc d'écouter une version un petit peu plus jazzy et groove de la chanson qui s'appelle White Christmas de Brock Berrigan. Et maintenant, nous allons attaquer la partie de la Renaissance pour les fêtes de fin d'année. Au moment de la Renaissance, les fêtes de Noël avaient toujours un caractère religieux. Mais contrairement à l'époque romaine et contrairement au Moyen-Âge, à cette époque-là, c'était beaucoup moins sur la croyance en Dieu, même s'il y avait toujours de la croyance, mais c'était plus basé sur la repentance et le pardon et la pénitence des différents citoyens qui avaient fait certains méfaits. Ou alors simplement où ils pouvaient juger le fait d'avoir fait des choses qui étaient mauvaises et pour pouvoir mourir en paix, ils voulaient simplement se faire pardonner pour aller vers Dieu et pour être bien au moment de mourir. Il y avait quand même une approche chrétienne et les traditions se déroulaient toujours par rapport à de la consommation. Exactement au même principe qu'au niveau du Moyen-Âge et au temps des Romains. Mais simplement, voilà, c'était plus la symbolique qui avait changé, même si la façon de faire était quasiment la même. À l'époque de la Renaissance, on était passé de une semaine de festivités à, comme aujourd'hui, dans les années 2000, aujourd'hui en 2022, à simplement 2 jours. Le 24 et le 25. En parallèle des repas et des moments frugaux, il y avait beaucoup une institution religieuse. À la fin de chaque repas et à chaque moment de festivité, cela se terminait vers minuit par une messe à l'église ou alors dans les cathédrales de l'époque. Il y avait ce que l'on appelle les vêpres. Le matin. C'était vraiment des pardons, des repentances à proprement parler, qui étaient vraiment basées sur le fait de pouvoir mettre en avant et de se laver de tout ce que l'on avait fait qui était mauvais. Car à cette époque-là, à l'époque de la Renaissance, la société qui était mise en avant était vraiment très très loin d'être parfaite. Il y avait beaucoup de meurtres. Il y avait beaucoup de problèmes immoraux, des assassinats, de l'esclavage, les catégories sociales qui étaient différentes étaient vraiment quand même prépondérantes dans ces sociétés-là. Et justement, les périodes de fête pouvaient permettre aux citoyens de l'époque de pouvoir se laver de tout ce qu'ils avaient fait. Cela n'empêchait pas d'avoir commis les actes, mais simplement, cela leur donnait un espèce de petit côté moral qui faisait qu'ils étaient soi-disant pardonnés. On ne définissait pas vraiment cela pour les repas des réveillons à proprement parler. Comme c'était beaucoup basé sur la religion, il y avait quand même beaucoup le respect des traditions. C'était pas du tout les grands repas comme on peut connaître maintenant, un petit peu comme au temps du Moyen-Âge. C'était vraiment des repas assez simples, mais frugaux. C'était pas du tout des gros trucs, des grandes tablées comme on pouvait connaître maintenant. Et justement, les familles qui mettaient cela en place finissaient toujours à l'église parce que dans ces périodes-là de la Renaissance, même si la façon de prier et la façon de pouvoir voir Dieu pour l'époque, même si cela était différent de maintenant, c'était quand même beaucoup basé sur la religion, moins qu'au Moyen-Âge ou alors à l'époque des Romains, mais c'était quand même quelque chose qui était vraiment important. Quand les repas furent terminés et que les gens allaient à l'église, il y avait des messes. Mais ce n'étaient pas du tout des messes en français comme on pouvait connaître maintenant, bien sûr. C'était des messes en latin. Et les messes pouvaient se dérouler soit dans des églises, ou alors dans la cour des rois, ou même des fois simplement au coin du feu, ou alors simplement au coin de certaines petites ruelles pour les familles qui étaient un petit peu plus pauvres. Ces chants se transmettaient de génération en génération. Il y avait des écrits, mais à l'époque c'était beaucoup plus oral qu'écrit. Et cela pouvait servir aussi d'héritage pour certaines familles. Et justement, ces héritages pouvaient permettre d'être transmises aussi bien au niveau des familles qui étaient plus riches qu'au niveau des familles qui étaient plus pauvres. Même si, à la base, la langue religieuse était le latin, la langue qui était couramment parlée, c'était quand même le français. Donc, on va dire que les fêtes religieuses pouvaient permettre de retrouver un petit peu les racines par rapport aux croyances qu'il y avait. Les époques de la Renaissance travaillaient beaucoup, ou alors étaient beaucoup inspirées de ces différentes langues. Une langue, le français, pour la vie de tous les jours, et une langue latine, plus pour le côté religieux et traditionnel. Et maintenant, dans la partie suivante, nous allons aborder le XVIIIe siècle. C'est ce que l'on appelle le siècle des Lumières. Et nous allons aller jusqu'au début du XXe siècle. La fin du XVIIIe siècle se caractérise par une recrudescence du travail. Les sociétés au niveau de la Renaissance étaient beaucoup basées sur le spirituel, sur le travail aussi, mais sur les différentes classes sociales. À partir du XVIIIe siècle, le travail était vraiment prépondérant car la société avait évolué. Il fallait justement de plus en plus amener d'argent parce que le prix de la vie revenait de plus en plus cher. Et justement, durant ces périodes de fêtes, ces fêtes-là justement se rapprochaient beaucoup du modèle que l'on connaît de nos jours. C'est justement à cette époque-là, à partir de la fin du XVIIIe siècle, que les fêtes, que les célébrations de fêtes de fin d'année, comme Noël, la Toussaint, le pont de l'Ascension, tout cela fut créé et mis en place à partir de cette période-là. Cela ne se déroulait pas vraiment ainsi simplement en France, mais cela se déroulait aussi sur l'ensemble de ce que l'on appelle l'Union européenne. Même si les pays qu'il y avait à ce moment-là étaient beaucoup moins disparates que maintenant. Chaque pays était vraiment caractérisé avec ses propres cultures et ses propres traditions. Mais le modèle que l'on met en avant dans ce podcast, c'est vraiment se basant sur le modèle français. L'introduction de l'imprimerie qui a eu à la fin du XVIIe siècle a permis pour tous l'accessibilité aux chants et à l'évolution de la culture européenne. Il y a eu de nombreuses éditions et de colportages entre le XVIIe et le XIXe siècle. C'est à cette époque que les fêtes de Noël, même si elles avaient une base religieuse, deviennent de plus en plus des fêtes populaires, et qui, en parallèle de la célébration et de la naissance du Christ ou de Dieu, deviennent un moment de partage convivial, tant au niveau de la société que sur le lien familial. Justement, les catégories sociales qu'il y avait se mélangeaient beaucoup plus, quasiment intégralement, contrairement à l'époque des Romains ou alors du Moyen-Âge. Cela se traduisait aussi par une période de générosité, de dons et d'entraide envers les autres, et auprès des personnes démunies et vraiment les personnes pauvres à la rue ou dans le besoin. Même si les chants et les messes originelles furent en latin, c'est à cette époque-là qu'apparurent les Carol Service, qui furent les premiers chants de Noël en anglais. C'est vraiment la connaissance des différents pays européens, l'évolution des sociétés et l'émergence de la découverte de ces différents pays et de ces différentes cultures qui ont permis justement de pouvoir avoir de nouvelles approches, tant sur le côté religieux que sur le côté international et culturel. Dans la continuité de ce podcast, nous allons écouter maintenant différents chants internationaux et européens que l'on a pu découvrir au fur et à mesure de l'émergence de l'Europe qui s'est fait connaître par rapport à la France. Au fur et à mesure des chansons qui vont être montrées, mais ce ne sera que des extraits, ce ne sera pas des chansons entières, je vous dirai au fur et à mesure les différents pays et le nom de ces chansons. Et on va commencer par la France, où on va mettre « Douce nuit, sainte nuit ». Le second extrait sera une chanson des Pays-Bas qui s'appelle Nu Gitch Welkom. Jesus is geboren op den heiligen kerstnacht. Van een maagd reine die hoog zijn gehaald. Le troisième extrait sera une petite chanson qui s'appelle Nebo a Zimlein. Ce sera une chanson ukrainienne. Quatrième chanson sera une chanson italienne, ce que l'on appelle en Italie une canti natalisi. C'est en fait une chanson de la natalité. Le cinquième extrait s'appelle « Au Tenenbaum ». C'est une chanson un tout petit peu plus connue quand même en Europe et elle est d'origine allemande. On peut aussi trouver un koliatki, ce sont des chants traditionnels russes spécialement pour Noël. Et ce koliatki est basé sur une chanson qui est assez connue qui s'appelle « We wish you a Merry Christmas », mais simplement c'est en version russe. « Voilà, nous venons donc d'écouter différents chants traditionnels provenant de différents pays à travers le monde et principalement en Europe. Il faut savoir que dans les pays anglophones, la tradition faisait que, même s'il y avait des repas familiaux et autres, une des petites traditions, c'était qu'il y avait soit des enfants, soit des adultes, qui passaient de maison en maison pour montrer, exprimer différents chants de Noël. Ces petits groupes de personnes, au sein des petits villages, prenaient quelques heures par-ci par-là pour chanter des Christmas carols, voilà, des petits chants traditionnels anglais. Il n'y avait plus vraiment de différence de catégorie sociale. Ces groupes de personnes pouvaient aller aussi bien auprès des familles riches que des familles un petit peu plus pauvres. Et ces personnes-là, pour les remercier, soit pouvaient leur offrir une petite somme d'argent, des gâteaux, des boissons, des petites décorations toujours appropriées à la période de Noël. Tout cela vraiment, soit pour soutenir un petit peu les personnes qui chantaient, ou alors ces petites donations pouvaient partir pour des œuvres de bonne charité, ou alors de la bienfaisance. Chaque cas est un petit peu différent, mais quoi qu'il arrive, l'esprit de Noël était là. Et voilà, nous venons donc de terminer ce premier podcast sur l'environnement des fêtes de Noël et son histoire et ses traditions. Dans le prochain podcast, nous allons voir en fait l'histoire du Père Noël à proprement parler. Comment est-ce qu'il a été créé et comment est-ce qu'il est vu aujourd'hui de nos jours au XXe siècle dans notre société. À plus tard, bonne journée et en vous souhaitant de très bonnes fêtes.